La confrontation de Harkonnen avec Gwynplaine avait eu lieu. On vient d'avoir le résultat. Le même jour, la duchesse Josiane avait quitté Londres. Quand Gwynplaine revint à lui et rouvrit les yeux, il était nuit. « Où est-ce que je suis ? » dit-il. L'homme qui était debout devant lui répondit « Vous êtes dans votre maison, Milord. » Gwynplaine avait été jeté au fond de la stupéfaction. Il fixa ses yeux sur le visage souriant qui lui parlait. Barkilphedro continua « Outre ce palais, Milord, vous avez un Kerville House qui est plus grand. » Gwynplaine entend alors énumérer tous ses biens et tous ses titres. Barkilphedro toucha de l'index la cassette qui était sur la table. « Milord, cette cassette contient 2000 guinées que sa gracieuse majesté la reine vous envoie pour vos premiers besoins. » Gwynplaine fit un mouvement. « Ce sera pour mon père Ursus, dit-il. Je lui porterai moi-même. » Barkilphedro cessa de sourire et dit « Impossible !»« Milord, vous êtes ici à 23 milles de Londres, à Corleone Lodge, dans votre résidence de cour, contiguë au château royal de Windsor. Pas plus tard que demain, vous serez admis à la chambre des lords. Pourtant, rien n'est fait encore. On n'est pas pair d'Angleterre malgré soi. Tout peut s'annuler et disparaître. Cela est d'autant plus facile que vous avez un frère, fils naturel de votre père et d'une femme qui, depuis, a été la maîtresse du roi Charles II, ce qui fait que votre frère est bien en cour. Or, c'est à ce frère, tout bâtard qu'il est, que reviendrait votre pairie. Voulez-vous cela ? Je ne le suppose pas. Eh bien, tout dépend de vous. Il faut obéir à la reine. Elle vous destine à une alliance quasi-royale. Comprenez-vous ? Gwynplaine eut un tremblement de la tête aux pieds, puis il se remit. « Oui, » dit-il. Barkilphedro sourit, salua, prit la cassette sous son manteau et sortit.